nous avons deux sociologues qui vont intervenir sur ces sujets. Dans un premier temps, Camille Trémaux, de l'Université de Nantes, qui va en fait évoquer les usages offensifs de la justice prud'homale en rendant compte de la teneur des sentiments d'injustice qui ont encouragé les salariés à emprunter la voie prud'homale. Puis d'autre part, elle va nous exposer les analyses, notamment en matière d'effets socialisateurs. Donc Camille, on va vous laisser la parole, une vingtaine, 25 minutes, en fonction. Et toute personne qui souhaite intervenir, poser des questions à la suite de cette intervention, est la bienvenue. On vous écoute. Merci. Merci déjà aux organisateurs de me permettre d'échanger avec vous aujourd'hui. Donc comme le titre de ma communication l'indique, je m'intéresse vraiment aux usages de la justice prud'homale. Et pour ça, je parle d'un travail que j'ai réalisé dans le cadre de ma thèse. Parce que j'ai fait une thèse qui portait sur le rapport de jeunes salariés à leurs droits. C'est-à-dire comment un peu ils appréhendent ces droits-là, tant en termes de savoir, de perception et d'usage. Et donc dans le cadre de cette thèse-là, j'ai notamment mené une enquête au Prud'homme de Nantes, à la fois en me basant sur des archives, mais également sur des entretiens, alors auprès de greffiers, d'adjoints administratifs, mais surtout auprès de justiciables. En fait, j'ai suivi le parcours un peu de 11 justiciables dans l'institution prud'homale. J'ai observé leurs audiences, j'ai fait des entretiens avec eux, j'ai récupéré leurs dossiers, j'ai un peu suivi leur affaire. Et donc c'est vraiment de là que je vais partir aujourd'hui. Je pourrais revenir plus en détail sur la méthodologie si vous le souhaitez, en précisant quand même que cette enquête, je l'ai réalisée entre 2011 et 2014, soit avant les dernières réformes, donc il n'en sera pas vraiment question dans mon propos aujourd'hui. Deux points d'introduction quand même sur les recours au prud'homme. Alors, la première chose à savoir, c'est qu'ils interviennent le plus souvent dans le cadre de conflits qui mettent en jeu la rupture du contrat de travail, au point que les prud'hommes, ils ont pu être qualifiés de juridiction du licenciement. Et les justiciables que j'ai rencontrés, ils ne font pas exception. Parmi les 11 que j'ai vraiment suivis, il y en a un seul qui est encore en emploi et dont le motif de recours à la justice ne porte pas sur une rupture de contrat de travail. Et il est le seul dans ce cas-là. Et donc, je vais particulièrement m'intéresser vraiment au type de rupture et à la manière dont au type de rupture de travail et à la manière dont elle a été appréhendée et vécue par mes enquêtés pour un peu montrer la diversité des logiques qui conduisent au recours à la justice prud'homale. Ensuite, deuxième point à préciser, c'est que alors la littérature qui existe un peu sur les recours au prud'homme montre que cette action en justice, elle est plus courante dans les petits établissements. Donc c'est beaucoup par l'enquête-réponse qu'on a su tout ça. Et dans ces structures, alors là je vais reprendre l'analyse de Jérôme Pélisse, c'est la nature des collectifs qui favoriserait ces recours au prud'homme, des collectifs soit absents, soit subordonnés, soit flottants. Et qui favorise finalement des recours plus individuels à la justice plutôt que des recours plus collectifs dont la grève en constitue l'élément le plus emblématique. Moi, cette analyse en termes de collectif, là où elle me semble intéressante pour interroger en fait les recours à la justice. Alors aussi parce que dans mes salariés, c'est des salariés qui évoluent dans des configurations professionnelles qui sont assez différentes à la fois du point de vue de la taille de l'entreprise, des conditions d'emploi, des secteurs d'activité, et aussi des relations qu'ils peuvent nouer avec leur direction. Certains ont des rapports très directs avec leur employeur, d'autres ne les connaissent même pas, par exemple. Donc on a vraiment des situations assez différentes, mais dans tous les cas, l'individualisation des relations de travail, elle est poussée, et elle est assez peu contrecarrée par les instances représentatives du personnel et ou les syndicats. En fait, ils sont tous employés dans des entreprises qui favorisent le règlement individuel des conflits, et voilà, donc le recours au prud'homme en cas de conflit important. Alors je reviendrai quand même sur le cas d'une affaire qui est vraiment un recours collectif avec plusieurs collègues où il y a eu vraiment quelque chose, une affaire vraiment collective, mais c'est une exception parmi mes enquêtés. Donc pour cette communication, je voudrais structurer un peu mon propos en deux parties avec toujours cette idée de mettre en lien droit et travail. La première, c'est de rendre compte de la genèse des mobilisations judiciaires, de s'intéresser à la manière dont des conflits du travail qui sont vécus par des jeunes salariés vont aboutir à des recours à la justice. Donc ça, c'est mon premier point. Le deuxième, ce sera plutôt dans le sens inverse, c'est de s'intéresser aux effets de ces recours à la justice sur la manière dont ces jeunes salariés perçoivent le travail et plus particulièrement les relations de travail. Un peu, enfin, la question que je me suis posée, c'est comment l'épreuve judiciaire, elle affecte ces salariés en retour. Alors, pour la première partie de mon propos, revenir sur un peu les usages, ce que j'ai défini comme usage offensif et défensif de la justice. Bon, toute la littérature sur les recours au droit, les recours à la justice, alors pas seulement sur les prud'hommes, mais plus largement, elle montre bien que le fait de saisir la justice, ça ne va pas de soi, et que ces recours demeurent incertains. Dans la continuité de ces travaux, moi, ce sur quoi je voulais insister, c'est non seulement que le fait que le processus de transformation d'un conflit en litige, il est non seulement moins automatique, mais il est aussi moins uniforme qu'il n'est habituellement perçu. Parce qu'en fait, c'est le sentiment même d'injustice qui est loin d'aller de soi dans ces recours-là. Il est variable selon les salariés, selon leur expérience et aussi selon leur socialisation. Pour éclairer la diversité de ces processus, j'ai donc distingué deux types de recours à la justice, offensif et défensif. Alors, les premiers, ils procèdent d'un sentiment vraiment d'être lésé, d'avoir vécu une injustice et d'une volonté de demander réparation, le plus souvent suite à un licenciement. Mais pour les seconds, il s'agit plutôt d'une nécessité de rompre le contrat de travail. Autrement dit, de mettre fin à une relation de travail qui est source de souffrance, qui est très anxiogène. Et donc, un recours à la justice qui se rapproche davantage, et assez paradoxalement, de la défection que de la prise de parole. Voilà pour une présentation succincte. Alors, sur les usages offensifs, ils sont le fait de salariés, donc ce que je disais, qui s'estiment lésés, qui veulent défendre leurs droits en contestant leur licenciement. Ils apparaissent dans des configurations qui sont assez peu propices à la constitution de collectifs, et donc c'est des jeunes salariés qui vont solliciter des contrôleurs du travail et des défenseurs syndicaux principalement au départ, et puis qui, au fil d'un processus, vont recourir à la justice. Mais en fait, pour comprendre ces usages, donc certes, il faut revenir sur la teneur des conflits, mais également sur la socialisation et le parcours de ces justiciables. Parce que ces éléments-là permettent un peu d'expliquer leur disposition à s'indigner, leur disposition à revendiquer, qui ne sont pas partagées par l'ensemble des justiciables que j'ai rencontrés. Alors là, je m'appuierai sur deux cas. Le premier cas, c'est le cas d'une vendeuse en magasin, une jeune vendeuse en magasin, que j'ai appelée Zoé, et qui permettent de rendre compte un peu du poids de l'origine sociale et de la trajectoire socio-professionnelle dans ses recours à la justice. Alors, cette justiciable, donc elle est, à l'époque, elle est étudiante en psychologie, elle a 21 ans, et elle est employée à temps très partiel dans un magasin de chaussures, elle est employée 8 heures par semaine dans un magasin de chaussures qui comprend 10 salariés. Ça, c'est la taille de l'établissement, pas de l'entreprise, pour être précise. Et en fait, dans ce magasin-là, elle découvre la condition d'employée subalterne et très rapidement, elle s'indigne. Elle s'indigne à la fois de l'organisation flexible, voire illégale du temps de travail, des pressions fortes sur les chiffres d'affaires, du travail sous contrôle rapproché de la hiérarchie, des marques d'irrespect des clients, etc. C'est quelque chose dont elle s'indigne et dont elle s'indigne plus que ses collègues. Et en fait, ce que j'ai pu constater, c'est qu'en fait, sa position sociale, ses origines sociales, comme ses ambitions pour l'avenir, elle envisage à l'époque un master en psychologie, la prédispose en fait à se montrer davantage critique que ses collègues vis-à-vis de ses conditions de travail et de ses conditions d'emploi. En fait, cette jeune salariée, elle tient tête à sa responsable et pour ces raisons-là, va subir toutes sortes de pressions, de vexations. Par exemple, il lui est interdit de parler pendant le temps de travail. Elle est constamment contrôlée à la fois sur son comportement à l'égard des clients, mais aussi sur sa tenue vestimentaire, sur le chiffre d'affaires qu'elle réalise, etc. Tout un tas de pressions et de vexations au fil du temps. Et là, je vais très vite, mais au bout d'un moment, elle va être licenciée pour cause les sérieuses en octobre 2010. Et il lui est reproché d'avoir refusé de servir un client et puis d'avoir dit haut et fort dans le magasin que le client n'était pas roi. Donc voilà pour son conflit. Et en fait, voilà, ce parcours-là, suite à son licenciement, elle a pris contact avec la CGT et grâce à ses indications, aux indications du syndicat, elle rencontre une avocate et elle recourt à la justice. Et dans l'idée, donc, son idée à elle, c'est vraiment à la base l'idée de se venger de cette responsable-là qui l'a contrôlé, qui lui a mis beaucoup de pression, etc. Et de contester le motif de son licenciement. Donc ça, c'est pour un premier exemple. Un second exemple, celui d'une coiffeuse qui met en évidence l'impact vraiment là spécifiquement de la socialisation familiale. C'est une jeune coiffeuse qui a eu recours au prud'homme pour réclamer la requalification de son licenciement. Elle avait été licenciée pour inaptitude, elle a demandé la requalification pour maladie professionnelle. Donc ça, là, c'est un contentieux très particulier. En fait, pour comprendre un peu ce contentieux-là, et le fait qu'elle ait recours à la justice, il faut un peu revenir sur sa socialisation. Manon, c'est une fille de cheminot, contrôleur de train plus précisément, et d'une mère qui est employée polyvalente au sein d'une crèche, et qui me raconte que dès le début de son parcours professionnel, elle s'est intéressée à ses droits, et notamment en lisant scrupuleusement, ses contrats de travail et ses conventions de stage. Et elle relate aussi, dans les différents entretiens que j'ai fait avec elle, les mises en garde de son père à l'égard du monde du travail, et plus largement ce qu'elle nomme le monde extérieur. Et ça semble avoir eu un effet profond sur la manière dont elle envisage les relations de travail, les relations salariés et employeurs. Et en fait, parmi les coiffeuses que j'ai pu rencontrer, donc au Prud'homme et aussi dans le reste de ma thèse, parce que j'ai aussi enquêté sur les coiffeuses dans le reste de ma thèse, elle apparaît à la fois comme la plus soucieuse du respect de ses droits et la plus encline à s'opposer très directement à son employeur, à se confronter à lui. Par exemple, sur l'ensemble des coiffeuses que j'ai pu rencontrer dans ma thèse, c'est la seule qui a déjà réclamé une augmentation de son salaire, ce qui est assez significatif dans ce secteur-là. Et en fait, c'est cette disposition-là qu'elle va mobiliser pour réclamer la modification du motif de son licenciement à son employeur. Et quand celui-ci va refuser d'accéder à sa requête et de lui verser des indemnités, elle contacte l'inspection du travail, qui au départ fait un courrier à l'employeur demandant la modification de ce motif, et après le refus, l'inspection du travail lui conseillera de saisir le conseil du prud'homme, ce qu'elle va faire. Voilà, pour deux exemples d'usage plutôt offensif de la justice. Sur les usages plutôt défensifs maintenant, en fait, contrairement aux usages offensifs, ils renvoient plutôt au cas où le recours à la justice il vise vraiment principalement à rompre le contrat de travail. Alors d'un point de vue juridique, ça peut être soit des résiliations judiciaires du contrat, soit une requalification d'une rupture de contrat qui a déjà eu lieu, dont le demandeur a pris l'initiative. Ça s'appelle la prise d'acte de rupture. Voilà, donc ça, c'est les catégories un petit peu juridiques. C'est des ruptures qui sont le plus souvent suggérées par les défenseurs syndicaux ou les avocats qui accompagnent les justiciables. C'est pas des demandes qu'ils formulent d'eux-mêmes comme ça. Mais pour saisir un peu le sens que revêtent aux yeux des enquêtés ces ruptures de contrat, il faut un petit peu aller au-delà des seules catégories juridiques. Et dans mon enquête, donc, je me suis intéressée à différents éléments pour un peu comprendre ces usages défensifs. Je commencerai par un premier qui est le statut de certains demandeurs, qui sont les apprentis. Puisqu'en fait, parmi les salariés qu'on peut rencontrer au Prud'homme, on trouve des apprentis. Alors c'est des recours qui sont assez minoritaires, mais qui existent. Alors les apprentis sont globalement peu prédisposés, pardon, de par leur statut, leur inexpérience de travail, c'est vraiment leurs premières expériences de travail, à s'indigner et à se confronter à leur employeur. Et pourtant, on les retrouve un peu au prud'homme quand même. En fait, il faut s'intéresser dès lors à leur statut, parce que s'il est protecteur contre le licenciement, il les empêche en contrepartie de quitter l'entreprise à leur guise. C'est-à-dire que passer la période d'essai, et à défaut d'accord entre les parties, il peut y avoir des ruptures à l'amiable, des contrats d'apprentissage, mais s'il n'y a pas de rupture à l'amiable, seul le conseil de prud'homme est compétent pour rompre le contrat d'apprentissage en prononçant une résiliation judiciaire. Et donc, pour ces apprentis-là, la saisine de la justice, elle n'intervient pas tant pour demander réparation d'une injustice que pour sortir d'une situation qui est dysfonctionnelle, qui est conflictuelle et qui les empêche de poursuivre leur formation dans de bonnes conditions, puisqu'en fait, ils peuvent être coincés, finalement, dans une relation d'emploi qui les empêche de poursuivre leur formation. Ça, c'est pour le cas des apprentis. Je peux en citer un exemple, un apprenti carrossier, qui travaille dans un petit garage de l'agglomération nantaise, qui saisit la justice parce qu'en fait, il a eu une sanction disciplinaire. Il a été mis à pied par son employeur au motif d'absence répétée. Donc, il s'est absenté plusieurs fois, donc son employeur l'a mis à pied. Mais en fait, quelques mois après la mise en œuvre de cette sanction disciplinaire, il n'est toujours pas autorisé à revenir travailler. Et lui et sa mère, qui va l'aider un peu dans tout son conflit, ne parviennent plus du tout à joindre son employeur. Donc en fait, il est coincé dans sa mise à pied. Et donc, dans l'impasse, ils ont sollicité un défenseur syndical qui les a encouragés à saisir la justice pour demander la résiliation judiciaire, pour que lui puisse derrière retrouver un autre contrat d'apprentissage et continuer sa formation. Alors, il y a bien des demandes de dommages et intérêts qui ont été formulées dans cette affaire en réparation du préjudice subi, mais le plus urgent pour eux, c'est vraiment de rompre le contrat pour qu'ils puissent donc chercher une nouvelle entreprise. Voilà pour l'exemple des apprentis. Je reviendrai sur un deuxième exemple qui met plus l'accent sur, qui met l'accent aussi sur l'objet du litige cette fois. Puisque pour comprendre un peu ces usages défensifs de la justice, donc il faut s'intéresser aux dispositions des justiciables, etc., et à l'objet, mais aussi à l'objet du conflit en tant que tel. Et là, je prendrai l'exemple d'un conflit qui porte sur le harcèlement sexuel. Puisque si recours à la justice ne va vraiment pas de soi, les obstacles à la judiciarisation, elles apparaissent vraiment exacerbées dans le cas d'harcèlement sexuel et ou moral, parce que les faits relèvent aussi, aux yeux des salariés concernés, au-delà du fait que pour eux ça ne relève pas nécessairement du registre légal, ça relève aussi un peu de quelque chose qui est indicible et illégitime. Et moi j'ai rencontré une jeune coiffeuse donc, qui est allée au prud'homme pour ces motifs-là. Et en fait, son recours à la justice, il résulte pas tant d'une volonté de réparer une injustice que de la nécessité d'échapper à une relation de travail qu'elle jugeait très très anxiogène. Et en fait, plus précisément, elle souhaitait quitter son entreprise du fait de son conflit avec l'employeur, du fait de harcèlement qu'elle estimait avoir subi. Enfin, elle ne définissait pas ça comme un harcèlement d'ailleurs au départ. Et donc elle cherchait vraiment un moyen de quitter l'entreprise. Et à la base, elle cherchait à être licenciée pour inaptitude. Elle se rend dans une permanence syndicale, elle rencontre un défenseur syndical qui lui dit « Mais là, en fait, il faut porter plainte pour harcèlement sexuel, donc au pénal, et parallèlement saisir la justice des prud'hommes. » Donc, en fait, elle est tombée des nues quand le défenseur syndical lui a dit ça. Et ce défenseur syndical lui a expliqué que c'était un peu la seule manière de pouvoir quitter l'entreprise sans démissionner. Et c'est exactement comme ça qu'elle a vécu son recours à la justice. Donc voilà pour un autre exemple d'usage défensif un peu de la justice. Pour conclure pardon, sur cette première partie, je voudrais quand même préciser que là, j'ai distingué vraiment le côté offensif et défensif. En réalité, le fait, par exemple, pour des personnes qui souhaitent vraiment quitter leur entreprise, rompre le contrat, ça ne les empêche pas après d'investir progressivement leur procédure et de rechercher à réparer une injustice. Les attentes aussi vis-à-vis des prud'hommes, elles se construisent aussi au gré de la procédure en elle-même. Donc c'est pas quelque chose qui est figé en fait, cette idée d'usage plutôt offensif ou défensif, mais ça permet quand même d'illustrer un peu la diversité des processus qui peuvent aboutir à la saisine des prud'hommes. Donc voilà pour cette première partie. Pour la deuxième partie, je voulais m'intéresser maintenant aux effets un peu de ces recours sur les enquêtés eux-mêmes, sur leur manière de percevoir en fait les relations de travail. En fait, on pourrait penser a priori que le fait de saisir la justice, de vivre une procédure, etc., ça engendrerait chez les justiciables en question une hausse de leur savoir juridique, procéduraux, etc. Alors en fait, s'ils acquièrent certains savoirs, ils restent en fait globalement assez limités. C'est pas tellement là-dessus que ça se joue. Et ça se joue pas non plus sur la connaissance en tant que telle de l'institution prud'homale. C'est-à-dire qu'ils sont aussi beaucoup, là j'en parle assez peu, mais ils sont beaucoup assistés par des défenseurs syndicaux ou des avocats. Et en fait, ils leur remettent un peu l'affaire. Et donc en fait, eux, quand ils sont au fil de la procédure, ils ne connaissent pas nécessairement après avoir vécu ça très très bien l'institution prud'homale. Par exemple, moi quand je leur posais la question des sections, puisque les prud'hommes fonctionnent en sections, ils ne savaient pas forcément que ça fonctionnait comme ça, ils ne connaissaient pas forcément les différents types de procédures, les procédures urgentes de référé ou les procédures au fond. Ils ne connaissaient pas, à l'époque où je menais l'enquête, les conseillers prud'homaux étaient encore élus, ils ne savaient pas forcément, alors même qu'ils avaient été face à ces élus-là. Donc voilà, ça ne se jouait pas tellement sur leur connaissance en tant que telle de l'institution ou même sur des savoirs juridiques précis ou procéduraux. Par contre, ils savaient dire que ces juges qu'ils avaient en face d'eux étaient en partie salariés, pour une partie salariée et pour une partie employeur. Et en fait, moi, ce que j'ai pu constater, c'est que le principal changement intervenu depuis l'épreuve judiciaire, il résidait moins donc dans ces savoirs, dans des savoirs juridiques acquis, que dans une autre perception des relations tissées avec les employeurs. C'est-à-dire que ils perçoivent davantage qu'auparavant ces relations sur le mode de l'opposition d'intérêts. Alors ça rejoint un peu des résultats hein, qu'avait mis en avant Michael McCann dans l'ouvrage qu'il a consacré aux mobilisations collectives et judiciaires des femmes engagées dans la lutte pour l'égalité salariale, puisqu'il montrait que l'impact d'une telle mobilisation, elle se mesurait d'abord au renforcement d'une conscience de leurs droits. Et, en fait, il n'en va pas autrement des épreuves qu'ont traversées les justiciables que j'ai rencontrées. Je vais juste prendre l'exemple d'un apprenti serveur qui rapporte un peu sa remise en cause de la confiance aveugle qu'il accordait au tout départ de ses expériences de travail, non seulement à son propre patron, mais aux employeurs en général. Là, je vous lis juste un petit extrait. Il explique, je ne sais pas comment t'expliquer ça, mais au début, je voyais un patron comme si c'était clean, il respectait les règles, etc., il n'y avait pas de souci. Et puis, en fait, c'est pas du tout ça. Avec les deux patrons que j'ai eus, ça ne s'est pas bien passé. Ils n'ont pas respecté leur engagement du contrat de travail. Donc là, il s'est mis dans un mode d'opposition des intérêts qui n'existait pas avant pour lui. Alors, en fait, il faut aussi... le litige, en fait, il peut soit conforter le penchant à se préoccuper de ses droits, par exemple... l'exemple de Manon que je citais au départ, c'est beaucoup ça, c'est-à-dire qu'elle s'intéressait déjà à ses droits en amont, et ça a renforcé ça. Ou alors, ça peut déclencher une prise de conscience assez brutale du fait qu'ils ne connaissent pas leurs droits. Et ça, c'est le cas, par exemple, de cet apprenti-là, mais aussi d'autres apprentis, par exemple, que j'ai rencontrés. Voilà, toujours sur ces effets-là, il faut aussi dire que... Donc ça a un effet socialisateur, vraiment, de ce point de vue-là. Maintenant, il faut aussi prendre... en compte un peu le fait que le souvenir du litige, il peut aussi avoir des conséquences sur le parcours plus directement de ces justiciables, dans le sens où, pour certains, l'épreuve, elle laisse vraiment des traces. Ça peut être aussi lié à des conflits assez violents, etc. Et du coup, ça peut aussi remettre en cause un peu leur parcours futur. Soit de formation et ou d'insertion professionnelle. Là encore, je pense en particulier aux apprentis, qui, indépendamment du fait qu'ils gagnent ou qu'ils perdent leur affaire. C'est-à-dire que, par exemple, l'apprenti serveur dont je parle juste avant, il a gagné son affaire, mais ça a été un conflit tellement difficile, tellement dur, etc., qu'après, pour d'autres raisons aussi, mais je pense que ça y participe, il a beaucoup de difficultés à reprendre un parcours de formation. Il a abandonné son CAP, par exemple, et ou d'emploi. Il a beaucoup de mal à retourner... en emploi. Voilà. Donc c'est ça aussi des effets, ça peut aussi avoir des effets compliqués sur la suite des parcours. Ça laisse des traces. Voilà. Donc un autre élément que je voulais souligner, c'est que pour reprendre un peu le travail de Michael McCann, il montre aussi dans son ouvrage que la seconde conséquence de la mobilisation, elle consiste en un engagement ou un renforcement, pardon, de l'engagement militant. Or par contre, ça c'est quelque chose que j'ai peu observé dans mon enquête. Je l'ai peu observé parce qu'en fait l'épreuve judiciaire en tant que telle, elle ne constitue pas un événement suffisant pour entraîner un apprentissage durable du droit du travail ou une attention systématique portée à ses droits ou encore un engagement syndical. En fait, une telle posture, elle apparaît que lorsque les justiciables ont aussi par ailleurs des dispositions qu'ils ont acquises en amont, en fait, soit de par leur socialisation familiale, scolaire, salariale, qui vont être activées un peu par l'épreuve judiciaire. Donc j'ai rencontré quand même un cas qui illustre ça. C'est Maxime, un jeune agent de sécurité, qui est le seul à avoir participé à un conflit, pour le coup, collectif au Prud'homme, puisque avec 10 de ses collègues, ils ont saisi la justice pour réclamer une hausse de leur qualification professionnelle. Et en fait, ce conflit-là, ça va être un déclic pour lui. Et après ça, il va aiguiser sa vigilance à la fois sur ses droits à lui. Alors, quand je dis ses droits, je suis un peu globalisante, hein, mais c'est certains de ses droits, notamment ce qui relève du salaire, du temps de travail, etc. Mais aussi sur ceux de ses collègues. Par exemple, il va lire sa convention collective, et puis quand il rencontre ses collègues, il va les informer dessus, etc., ce qu'il ne faisait pas avant. Mais en fait, c'est venu réactiver des choses qu'il avait déjà entendues aussi et vues dans sa famille auparavant, puisque sa mère est déléguée syndicale CFDT, elle est représentante au comité d'entreprise, elle est infirmière dans une association privée, représentante au CE et à une formation de défenseuse syndicale. Et donc, en fait, il a aussi grandi dans cette configuration-là, et il s'est vraiment familiarisé à la défense de ses droits aussi de cette manière-là. Et puis parallèlement, il avait aussi été élevé dans une famille qui était prompt à l'investissement associatif, avec un côté dévouement important. Et donc tout ça a joué aussi sur le fait que, suite à son litige, il s'est intéressé à ses droits, j'ai pas le temps de détailler, mais de plein de manières, à ceux de ses collègues. Et en fait, c'est quelqu'un que j'ai pu suivre dans le temps, et quelques années après, il s'est inscrit sur une liste électorale CFDT de son entreprise. Donc il y a vraiment aussi tout un processus là d'engagement qui s'est créé avec le déclic de l'épreuve judiciaire. Mais ça ne fonctionne aussi que parce qu'il y avait aussi beaucoup de il y avait aussi des dispositions auparavant. Donc pour terminer, voilà, donc dans mes enquêtés, hein, l'engagement militant il est rare, mais par contre dans tous les cas, le litige prud'homal, il a infléchi leur vision des relations de travail. Et elle se pense vraiment davantage sur le mode d'une opposition des intérêts entre employeurs et salariés. Je préciserai juste que ça ne présume pas des usages qu'ils vont faire de cette vision, de leurs droits derrière. C'est vraiment, là je parle en termes de perception, puisqu'on ne peut pas présumer des usages qui pourront être faits, indépendamment de la marge de liberté qu'ils ont sur le marché de l'emploi, etc., de leur propre parcours, des expériences futures. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions dans la salle ? Oui, est-ce que tu as pu faire de l'ethnographie des audiences ? Et je crois que tu étais présent dans l'ambiance. Et en fait, est-ce que tu peux peut-être un peu nous raconter vraiment quelle est la place des salariés pour les audiences ? Est-ce qu'ils interviennent ? Est-ce qu'ils sont passifs ? Est-ce qu'ils sont sollicités ? Est-ce qu'on voit des décalages entre la façon dont l'histoire est racontée, traduite dans l'engagé droit et la façon dont vous la vivez, voilà, c'est un peu... Oui. Alors, il y a plein de choses là-dessus. Alors oui, moi, j'ai pu observer des audiences. En fait, c'est comme ça que je les rencontrais, c'est-à-dire que j'accédais à des audiences et j'allais les voir à la fin des audiences pour voir si c'était d'accord pour que je m'entretienne avec eux. Alors, il y a plusieurs questions. Alors, sur leur intervention. Alors, tout dépend s'ils étaient seuls ou pas. Dans la majorité des cas, ils ne l'étaient pas. J'en ai vu des seuls, mais très rarement. Et c'était dans des audiences, là, j'en parle très peu, hein, les audiences en référé, qui sont des audiences où il y a vraiment des demandes, mais qui ne portent pas sur la contestation du motif de licenciement, qui ne portent pas sur la rupture du travail en tant que tel, du contrat de travail en tant que tel. Donc là, ils peuvent être seuls, mais sinon, ils sont beaucoup accompagnés. Dans la grande majorité des cas. En fait, quand ils sont accompagnés, ils parlent très peu. C'est-à-dire que c'est l'avocat ou le défenseur syndical qui relate l'affaire, etc. Ils répondent ils répondent à un moment donné aux questions des conseillers. Et là, il y a beaucoup de choses qui peuvent se jouer à ce moment-là. Ce que j'ai pu... Alors, sur la traduction, il y a beaucoup de choses qui changent entre ce qui se dit en audience, ce qui est contenu dans le dossier et ce que moi, j'entends en entretien. Et de faire l'observation avant, d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que le décalage frappe souvent entre l'histoire du conflit. Là, j'ai pas le temps de détailler, évidemment, mais l'histoire du conflit et ce qui arrive... devant les prud'hommes, il y a toute une opération de traduction, hein, clairement. Alors ça peut être de la déperdition, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui n'arrivent pas devant les prud'hommes. Là, le cas de Manon, son affaire, c'est vraiment sur son motif de licenciement. Elle a aussi été victime de faits de harcèlement, par ailleurs. Mais ça n'arrivera jamais devant les prud'hommes. Mais elle ne le souhaitait pas non plus, pour le coup. Mais... Il peut y avoir des énormes déperditions comme ça, mais par ailleurs, il y a des ajouts de demandes, des choses qui n'étaient pas prévues. Et puis, il y a aussi tout le chiffrage des demandes, etc. Et puis, il y a toute une opération de traduction de la situation qui se fait par l'intermédiaire des défenseurs syndicaux, des avocats, etc. Et donc, ça ne joue vraiment pas de la même, y a vraiment une transformation. C'est vrai que je l'évoque assez peu là. Mais, et sinon, ce qui est assez marquant aussi, c'est le décalage entre les justiciables et les avocats, défenseurs syndicaux, magistrats, etc. C'est-à-dire que quand on les accompagne, et surtout quand on les accompagne dans le temps, pour eux, il y a vraiment... ils jouent beaucoup de choses là. C'est un conflit unique, etc. Ils jouent beaucoup de choses, ils jouent un peu leur vie dans ces affaires-là. Et donc, ils sont même dans l'espace, que ce soit la salle des pas perdus ou dans les audiences, ils sont loin de leur employeur, ça se regarde du coin de l'œil. Ça... Et à côté de ça, par contre, il peut y avoir les avocats qui parlent entre eux, qui rigolent avec les magistrats, les greffiers, etc. Et qui laissent un peu. Enfin, les justiciables, ça les étonne un peu. Parce qu'il y a un vrai décalage entre eux, leur opposition qui est très très très très forte, et puis le quotidien d'une juridiction en fait de jugement. Merci. Ouais, juste pour revenir sur cette question, moi ce que j'avais vu quand j'avais fait des observations au Prud'homme, et j'aimerais bien avoir ton avis, ouais. Mais ça a peut-être changé aussi, c'était plutôt une bienveillance des conseillers, parce que... Enfin, m'excuse, moi je parle de ce côté-là, mais ouais. Après la question c'est l'interaction, mais une bienveillance des conseillers envers ces justiciables, et au contraire une espèce de... Alors j'entends ce que tu dis aussi, parce qu'on peut même aller un peu plus loin, on peut dire que finalement, j'avais pas vu ça comme ça, mais que les conseillers et les avocats sont mis un peu dans la même... de ce côté-là. Ensemble, ouais. Par rapport aux justiciables, et du coup il y a une espèce un peu de condescendance aussi du magistrat, qui dit on va voir le vrai travail et venez nous expliquer. Et moi, ils étaient toujours très... Alors, sauf quand c'était des cadres arrogants, donc ça, c'était un peu autre chose. Mais sinon, les autres, c'était toujours une sorte de bienveillance. Comment on dit maintenant, expliquez-nous, dites-nous avec vos mots à vous, etc. Enfin, il y avait cet aspect-là et qui, à la fois, crée de la distance, mais qui crée aussi une forme de proximité un peu plus grande, il me semble, avec les... Du coup, avec la juste, enfin, parce que c'est des gens un peu plus normaux, on va dire, qui n'ont pas la robe, qui, enfin, tu vois quoi. Est-ce que tu as vu ça, des choses comme ça ou pas ? Et ça, c'est le tout l'enjeu de la présence en fait des parties, surtout en bureau de jugement et tout ça. C'est-à-dire que c'est important qu'ils soient là pour cette raison-là, pour qu'en plus ils puissent répondre aux questions des conseillers. Mais voilà, ça c'est vraiment un enjeu très important. Oui, là quand je dis pour eux c'est le quotidien, etc., c'est que j'ai assisté à une scène où tout le monde, il y a un fou rire un peu général, et en fait la justiciable que j'accompagnais, elle était complètement ébahie en fait de ce qui se passait devant ses yeux en fait, parce que pour elle c'était vraiment quelque chose de... Donc, et c'est vrai que ça se joue peut-être, quand je dis ça c'était que c'était général, mais après ça se joue plus entre avocats qui en fait sont censés être dans les camps opposés, et puis en fait qui discutent entre eux, etc., que directement avec les magistrats. Et oui, moi j'ai vu des cas où vraiment je pense que la balance a aussi penché, parce qu'ils ont pu répondre aux questions que posaient les conseillers. Mais c'est plus facile sur certains cas que sur d'autres. Ça se voit aussi. Moi j'ai assisté à des audiences de conciliation. Donc là, ça se voit aussi encore beaucoup plus. C'est-à-dire que là, il y a un vrai échange avec les conseillers, j'en parle assez peu là, mais du début à la fin. Et là, vraiment, la parole des justiciables peut être plus importante. Moi, je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis sur les choses que les... Christiane Isoli, il y a un peu ça aussi sur le site des salariés face aux syndicats. Il y a des problèmes qu'on amène... Des problèmes au travail qu'on amène au prud'homme, qu'on amène les audiences, et d'autres qu'on n'amène pas. Je me demandais si tu avais réussi à faire un peu des typologies des problèmes qui viennent, qu'on amène au prud'homme, qui sont légitimes ou... Ouais. Ben en fait, alors de toute façon, en gros, les problèmes les plus simples, c'est ceux qui arrivent aussi devant les référés, c'est quand on n'est pas payé depuis 6 mois, quand on n'a pas son attestation à CEDIC, etc. Attestation de Pôle emploi maintenant. Mais donc ça, c'est entre guillemets les plus simples. Après, moi, je trouve que les plus compliqués, c'est tout ce qui relève purement du relationnel, et notamment ces questions de harcèlement. Mais pas que, c'est-à-dire que même, ça va pas seulement être le défenseur syndical ou l'avocat qui va dire, bon, bah ça, En fait, il y a aussi les salariés eux-mêmes qui ne vont pas s'autoriser à parler de ces choses-là. Mais même vis-à-vis de moi, c'est-à-dire que moi, par exemple, il y a des choses que j'apprenais en fin d'entretien ou au deuxième entretien. Et notamment sur ces questions vraiment... par exemple, l'histoire de harcèlement sexuel, parce que là, je ne le précise pas, mais les deux coiffeuses dont je parle, elles sont collègues et amies. Et j'ai rencontré la deuxième par la première. Et la première, j'ai appris ces histoires de harcèlement au bout d'une heure et demie d'entretien. Et ce n'était pas du tout visible en conciliation, c'est-à-dire que les rapports étaient cordiaux, on ne pouvait pas imaginer. Et ce que j'ai pu voir, donc là, c'est le cas particulier du harcèlement sexuel, mais moi sur d'autres salariés, ce que j'ai rencontré, c'est des personnes qui allaient décrire la personnalité un peu de leur employeur comme quelqu'un de bizarroïde. Le mot bizarre revient, ou étrange, revient souvent. En fait, au fil de l'entretien, le étrange se transforme en en fait, il a fait ci, il a fait ça, il m'a dit ci, il m'a dit ça. Mais tout ce qui est de l'ordre de pression verbale, de l'ordre d'insultes, toutes ces choses-là sont très difficiles à mettre en mots, y compris pour les salariés eux-mêmes au départ. Donc c'est-à-dire que des fois, c'est même pas dit. Moi, ils m'ont dit des choses qu'ils n'ont pas forcément dites au défenseur syndical ou à l'avocat. Donc dans ces questions aussi, et qui intervenaient pourtant de manière assez centrale dans les conflits, en fait. Et donc il y a aussi toutes ces... Je pense qu'il y a vraiment ces éléments-là qui sont très très durs à attraper. Voilà. Et puis en plus, après, derrière, s'ils en parlent, qu'est-ce que les défenseurs syndicaux et avocats vont en faire? Quelles pièces ils vont pouvoir apporter? C'est toujours une procédure orale, mais il faut quand même des pièces. Il y a quand même des éléments qui jouent. Donc en fait, après, ils décident comment ils qualifient, qu'est-ce qu'ils demandent. Mais il y a aussi même en amont, quoi. J'avais une petite question pour le lien aussi avec les recours au prud'homme quand il concerne le licenciement, puisque tu as commencé la présentation en disant que c'était quand même une cause de recours qui était majoritaire. Et en fait, je me demandais, quand tu expliquais que ça ne débouchait pas sur une posture militante, sur une mobilisation, qu'au mieux ça conscientisait des rapports opposés, etc. Et en fait, je me suis demandé si je reporte ce que tu as dit sur le terrain d'enquête que j'ai fait. En réalité, ça, de mon point de vue, c'est pas du tout étonnant, étant donné que moi, ce que j'ai perçu, je ne sais pas si c'est une interprétation qui te convient ou pas, mais c'est que le recours au prud'homme, moi je l'ai vu dans deux cas, soit un cas c'était, comme tu as dit, des collectifs inexistants ou flottants, et du coup c'était une espèce d'usage individualiste du droit du travail, mais pour un cas, pour ma personne. Et j'ai des collègues qui sont au même cas que moi, mais en fait, je le fais pour moi et je ne fais pas de lien avec les autres. Donc ça, c'est dans un cas où les gens, même qui sont à la limite, étonnés de dire, tiens, je n'aurais jamais pensé que je serais un prud'homme, j'étais pas dans une posture de conflit d'opposition avec l'employeur. Ou d'autres, dans des cas, moi que j'ai étudié de plans sociaux, où le collectif existe, et du coup, le recours au prud'homme, c'est vécu comme un échec de la mobilisation collective, c'est un copie en fin de course. En fait, il dit on est obligé de finir par les prud'hommes, ce qui veut dire qu'on a échoué à se mobiliser collectivement. Du coup, est-ce que tu retrouverais ça Alors moi, le cas que j'ai eu, je suis vraiment d'accord avec ça. Mais le cas que j'ai vu, moi, c'est encore un peu, c'est des agents de sécurité, que je cite à la fin. Qui se sont regroupés, mais qui ont fait exprès de court-circuiter les syndicats, en fait. Donc eux, par contre, c'est assez étonnant. Ils ont pris contact avec une avocate et ils ont monté leur mouvement au prud'homme, mais sciemment en éjectant les représentants du personnel et syndicats de branche, etc. Parce qu'il y avait il y avait eu juste avant des accords de branche qui avaient été signés. Alors, je ne sais plus sur quoi c'était, je me demande si ce n'était pas sur le temps de travail, la comptabilité, enfin, comment ils comptaient le temps de travail, etc. Ça devait être, c'était sur l'annualisation du temps de travail. Donc, en fait, ils étaient complètement déçus, en fait, que les syndicats aient signé, parce que ça avait des conséquences terribles sur leur emploi du temps, etc. Ils travaillaient déjà de nuit, etc., le week-end et compagnie, mais là, avec l'annualisation, c'était... Et donc, ils ont complètement contourné le syndicat. Et là, du coup, ils ont mené une affaire qui n'était pas vécue sur le mode de l'échec, quoi. Après, c'est un peu particulier parce que, du coup, quand c'est collectif comme ça, c'est... En même temps, c'est collectif et en même temps, c'est sur le contrat de travail de chacun. Donc après, certains peuvent, on peut faire valoir les demandes de certains et pas d'autres. Certains se sont, ont abandonné au milieu et d'autres non. Ils ont été quelques-uns à abandonner, deux, trois peut-être sur l'ensemble. Donc c'est toujours un peu ces histoires du côté collectif et individuel. Et y a, mais là-dessus, il faudrait avoir vraiment des statistiques, je pense. Le problème, c'est que moi, j'avais regardé... J'enquêtais un peu au service des greffes. Moi, j'avais accès aux archives, donc je traînais un peu dans les locaux pendant un temps. Et du coup, j'avais fait des entretiens aussi avec la greffière en chef. Et c'était une greffière en chef qui était vraiment intéressée par des questions de statistiques. Parce qu'en fait, les statistiques qu'on a, même dans les annuaires, etc., ça vient d'un... Donc au départ, c'est un, à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours le même logiciel, c'est le logiciel Minjes. Et du coup, en fait... au quotidien, il y a des données qui sont rentrées et certaines repartaient, étaient extraites en fait pour faire des statistiques officielles. Et en fait, il n'y avait pas cette question de est-ce que c'est des recours individuels ou collectifs. Ils appellent ça des multiples. Et en fait, on n'a pas ces données-là. Mais eux, ils les ont en interne. Enfin, en tout cas, elles les avaient. Après, la question, c'est... parce que moi, j'en ai vu aussi dans les archives que j'ai regardées. Après, c'est... Après, à partir de quand c'est collectif ? En fait, c'est compliqué parce que du coup, par exemple, là, dans mes enquêtés, il y en a plus, il y a la vendeuse en magasin. Il y en a d'autres qui ont contesté leur licenciement, mais à des périodes assez proches. Mais elles l'ont fait individuellement, chacune de leur côté. Des fois, elles sont un peu entraînées entre-temps. Mais voilà, ça vient de la même entreprise, etc. Pour autant, ça n'a pas grand-chose de collectif. Et parfois, c'est, voilà, comme le cas que j'ai là, c'est vraiment une démarche où ils y vont entre collègues. Ils ont... une seule avocate pour l'ensemble des collègues, etc. Donc en plus, la dimension collective individuelle, elle est un peu toujours compliquée à mesurer. Je voulais vous demander si vous avez travaillé sur des affaires terminées ou sur des affaires engagées. Engagées. J'ai eu des fois la fin, des fois non. Est-ce que vous avez eu l'occasion de suivre des affaires qui aboutissaient, parce qu'il y a eu une déperdition très importante d'affaires dans les prud'hommes, est-ce que vous avez eu l'occasion de suivre des affaires qui se perdent Des affaires... Pas qui se perdent au sens de l'issue, mais qui se dégagent des prud'hommes, quoi, à la suite, par exemple, de négociations menées... Alors, lesquelles j'ai eu est-ce que s'est arrêté ? Je crois que d'après les statistiques, c'est 50% des affaires engagées qui disparaissent. Oui, parce qu'il y a tous les désistements, etc. Alors, moi, c'était même un vrai problème d'accès au terrain, parce que des fois, j'allais aux audiences en me disant bah, « je vais peut-être pouvoir voir des jeunes ». Et en fait, ils n'étaient pas là parce qu'ils étaient désistés entre-temps. Les radiations, les désistements, etc., ouais, c'est énorme en termes statistiques. Ça, c'est de l'ordre de 40-50% des affaires. Alors, soit c'est parce qu'ils ont négocié, soit parce que la personne a abandonné, soit parce qu'entre-temps, il y a eu liquidation judiciaire, et donc du coup, il faut repasser par huissier, etc. Enfin, puis c'est toute une autre procédure. Dans ceux que j'ai suivis, il y a eu une conciliation. Donc là, pour le coup, officiel, c'était pas une conciliation sur le motif de licenciement. Sinon, c'est des affaires... Moi, ceux que j'ai suivis, il n'y a pas eu d'abandon au milieu. Par contre, j'ai pas toujours pu les suivre quand ils allaient en appel. Ça, j'ai pas. Il y en a certains qui allaient en appel. Il y en a qui refusaient d'aller en appel, mais il y en a certains qui allaient et j'ai pas pu forcément les suivre jusqu'au bout. Mais parmi ces 11-là, non, ils ont pas. Il y en a un qui s'est désisté. Effectivement. Et en fait, c'est une affaire au référé. C'était un assistant commercial. Je ne sais plus exactement l'intitulé de son poste, qui travaille dans l'immobilier et qui, en fait, il avait eu des commissions parce qu'il il avait réussi à vendre une maison, etc. Et sauf qu'il y a eu des décommissions qui ont été opérées sur son salaire fixe, qui ont fait que le dernier salaire qu'il a reçu, c'était 0 euro. Et donc, en fait, il est arrivé au prud'homme pour cette raison-là. Sauf qu'on lui a opposé, sans accompagnement avocat ou syndical, sauf qu'on lui a opposé en face que c'était une clause contractuelle, etc. Et que l'entreprise avait la possibilité de le faire. Sauf que, c'est tout le hors officiel que j'ai eu, c'est que donc il risquait quand même ce que l'entreprise demandait des dommages et intérêts, etc. D'être condamné aux dépens, etc. Donc il demandait des sommes. Donc il était complètement... il ne comprenait pas qu'en plus, il aurait potentiellement à payer à la fin de la procédure. Il est arrivé à l'audience en disant qu'il se désistait de sa demande, mais l'entreprise continuait quand même. Donc l'audience a quand même eu lieu en référé. Et ce que j'ai appris après dans l'entretien, c'est que par ailleurs, c'était une entreprise qui avait des manières de vendre très très particulières et que lui, il avait beaucoup d'informations confidentielles qui pouvaient être très très embêtantes pour l'entreprise et qu'il avait menacé l'entreprise avec ça et qu'en fait, ils avaient une clause de confidentialité ou je ne sais pas trop quoi en dehors avec l'avocate de la partie en face et où ils s'engageaient à se désister. J'ai eu cette affaire, donc c'était un peu... Mais par contre, il a quand même été condamné aux dépens, etc. Mais l'avocat expliquait qu'il ne lui ferait pas payer. Ouais. C'était un cas un peu particulier.